Chapitre 19e. À 100 km/h, le rapide roulait vers Calais. Bien qu'ils fussent seuls dans leur compartiment de première classe, ils en occupaient 5 places sur 6. Meraki et ses compagnons n'échangeaient pas un mot. Tous paraissaient dormir, immobiles, affalés sur le capitonnage, les yeux clos. Tous étaient bien réveillés. Meraki, assis entre Piébald et Teddy, lançait de temps à autre, entre ses cils, un bref regard sur Argoulion et sa fille. Piébald réfléchissait. Il se méfiait du médecin, qui se méfiait de lui. Tous deux de plus savaient que Teddy, bien qu'il eût accepté de marcher avec eux, devait les haïr, et il ne se trompait pas. Teddy avait souscrit aux conditions de Meraki, non point tant pour avoir les perles que pour sortir de la maison de fous où il était à l'entière discrétion du médecin. Maintenant, il se demandait comment avoir les perles tout en se vengeant. Il était bien décidé à mettre à profit toutes les occasions pouvant lui permettre d'atteindre ce double but. Argoulian sommeillait à demi. Il ne pensait ni aux perles, ni à sa fille. Il pensait à la guillotine. Les paroles brutales de Piébald, les insinuations de Meraki, avaient produit leur effet. Argoulian, plus faible que mauvais, ou plutôt mauvais parce qu'il était faible, les deux vont souvent ensemble, se demandait comment il pourrait échapper à ses terribles complices. Depuis plusieurs mois, il sentait confusément qu'il était le jouet de Piébald, tout comme il avait été le jouet de Teddy et d'Autodrôle. À présent, il en était certain, et toutes ses pensées étaient tendues vers ce seul but, s'enfuir, disparaître, loin, au bout du monde, changer de nom, n'avoir plus cette menace du couperet sans cesse suspendue sur lui. Sa fille, il n'y songeait pas, lorsqu'il était allé dans la cellule où elle était enfermée, chez Meraki, il n'avait trouvé pour la convaincre que des plaintes sur lui-même. Il s'était jeté à ses pieds dans une scène ignoble, l'avait adjuré de le sauver. Elle seule le pouvait. Si elle refusait, Meraki et Piébald avaient les moyens de le livrer à la justice. Et tout cela sangloté, bafouillé, avec accompagnement de larmes qui n'étaient même pas feintes. Argoulian s'était attendri sur lui-même, c'était son habitude. Sonia, écœurée, désespérée, avait consenti à tout, autant pour en finir que pour couper court à cette scène répugnante. Il lui avait fallu pourtant subir les remerciements de son père, ses embrassements. « Je savais que tu étais une bonne fille, Sonia. C'est admirable ce que tu fais là. Dieu te récompensera, et ton pauvre père n'oubliera jamais. » Rigide, fermant les yeux, comme elle aurait voulu pouvoir se boucher les oreilles, Sonia Argoulian avait dû tout entendre. L'apparition de Meraki venant s'enquérir du succès de la négociation dont s'était chargé le marchand de pierreries avait enfin mis un terme au sinistre remerciement d'Argoulian. Et ça avait été le départ dans l'auto de Meraki, la 100 chevaux qui avait servi à enlever Teddy. Bien qu'elle eût été repeinte en noir et son apparence encore une fois changée, Edward Clams l'avait parfaitement reconnue, ce qui avait donné de nouvelles forces à sa haine et à son ressentiment. À présent, tout était consommé, le train roulait. En quelques heures, les fugitifs, on peut bien leur donner ce nom, seraient en Angleterre. Sonia avait accepté, tout lui était indifférent maintenant. De se prêter à tout ce qui était exigé d'elle. Elle se laisserait appeler Julia Jacobsen, sous ce nom elle épouserait Teddy. Après, elle serait libre, libre de mourir. Cela, elle y était absolument décidée. Tout lui manquait à la fois. Son père, et puis aussi M. Xavier, l'homme qui l'avait délivré, le seul être qui eût agi noblement envers elle. Elle le revoyait tel qu'il était, lorsqu'il était apparu devant elle au retour de son voyage. Un peu triste, la voix grave, l'œil voilé de mélancolie. Ce qu'il n'avait pas dit, Sonia l'avait entendu. Elle l'avait compris. Elle était partie pourtant, se sacrifiant encore une fois pour sauver son père. Il l'avait laissé partir, mais sans pouvoir cacher le déchirement que lui causait ce départ. Sans doute ne se reverrait-il jamais. Jamais. Sonia Argoulian frissonna de détresse, oui, il fallait mourir. Un contrôleur passa. Meraki avait les billets. Il les montra sans un mot. Personne ne bougea dans le compartiment. Amiens, Boulogne, Calais, le passage à la douane dans la nuit, l'examen des passeports. Un coup d'œil impératif de Piébald à Argoulian pour lui faire comprendre de se tenir, car le marchand de pierreries était presque hagard. Ses appréhensions étaient vaines. Les passeports furent reconnus en règle. Et la petite troupe s'embarqua sur la rondelle, qui, après une heure de traversée sur une mer d'huile, les débarqua à Douvres. De nouveau l'examen de la douane, la montée en wagon et en route pour Londres. Meraki et Teddy avaient pris la direction de l'expédition. Teddy était anglais, Meraki parlait parfaitement la langue de Shakespeare. 6 heures du matin venaient de sonner lorsque le médecin et ses compagnons sortirent de la gare de Charing Cross. Le jour se levait, une brume jaunâtre flottait sur Londres. Parmi la file innombrable de taxis qui attendaient devant la gare, Meraki choisit le plus piteux, le plus ruineux, le plus misérable. Une vieille auto retapée, rafistolée au petit bonheur, dont la peinture était éraillée et boueuse, les roues ovales, les glaces fêlées et réparées avec des bandes de papier. L'intérieur répondait à l'extérieur, avec son capitonnage effondré, recouvert de velours d'étain, étoilé de taches. Le médecin et ses compagnons s'enfournèrent dans l'ignoble véhicule où ils se casèrent tant bien que mal. « Holy Cross Chapel, Chadwell !» cria Teddy au chauffeur, un gros homme à visage d'ivrogne. L'auto s'ébranla avec de terribles grincements de son moteur poussif et usé et roula à travers le brouillard à grand renfort de secousses et de chaos. Pas un mot ne fut échangé. Chacun des 5 êtres humains entassés dans la sordide voiture songeait à lui, à ses craintes ou à ses ambitions. Le taxi, ayant traversé le Strand, fila vers l'est de Londres. Lehman Street fut dépassée, et le misérable véhicule s'enfonça dans des ruelles boueuses, aussi misérables que lui. Lanes, allée étroite au pavé disjoint, bordée de maisons de briques brunes, devenues noires, dont les étroites fenêtres à guillotine étaient garnies de linges rapiécés mis à sécher, et sur le seuil des portes de maigres vieilles femmes édentées qui s'interpellaient en poussant vers le ruisseau des détritus innommables. Les chaos du taxi avaient encore augmenté. Grognant et maugréant, le gros chauffeur modéra l'allure de son piteux véhicule. Meraki consulta son chronomètre d'or. « 6h30, murmura-t-il en se tournant vers Teddy, qui était assis à ses côtés sur le strapontin. Cependant qu'en face d'eux, Sonia était tassée entre son père et Piebald. « Croyez-vous que notre révérend sera levé ?»« Levé ?» ricana Teddy. « Vous voulez dire pas encore couché ? On voit que vous ne connaissez pas le vieux Smooth. Il passe ses nuits dans les bars et les saloons à prêcher. Naturellement, ça lui donne soif. Aussi le matin, quand il revient de sa tournée, il est fatigué. Et il revient vers 6 heures. Ou 7. Nous le trouverons à sa chapelle. Avec les papiers, le mariage sera célébré illico. Vous avez la licence ? J'en ai apporté 3. Pour être plus sûr, ricana le médecin. All right. Et à 9 heures, à l'ouverture des bureaux, nous pourrons aller retirer les perles de la banque Forsmith. Et Mrs. Sonia sera libre, fit Teddy, en adressant à Sonia Roulion un sourire qui voulait être aimable. La jeune fille resta de pierre. Avec des grincements de ferraille secoués, le taxi roulait toujours, embouchant des ruelles de plus en plus étroites, de plus en plus misérables. Il s'arrêta enfin au fin fond d'une impasse que barrait une muraille croulante, percée d'une porte à la peinture écaillée, au-dessus de laquelle une croix de fer était scellée. « Nous y sommes !» fit Teddy en se levant. Il descendit le premier, suivi de Meraki et de Piebald. Ce dernier galamment tendit la main à Sonia Argoulian pour l'aider à sortir du véhicule. La jeune fille fit semblant de ne pas le voir et sauta dans la boue qui gicla sous ses pieds. Piebald, tout éclaboussé, lui lança un regard de haine. Et tandis que Meraki réglait le chauffeur, Argoulian descendit à son tour. « Ce sera vite fait, ma petite Sonia, » murmura-t-il en se penchant vers elle. « Et tu pourras te dire que tu auras sauvé ton pauvre père. Je te donnerai quelques perles sur ma part, de quoi te faire un collier, un beau collier. »« Je vous remercie, mon père, je ne désire rien, » fit la jeune fille d'une voix sans timbre, en évitant de regarder le marchand de pierreries. « Sonia, ce n'est pas gentil, tu sais. Moi qui ne demande qu'à te faire plaisir, tu verras que... « Allons !» interrompit Teddy. Cependant que le taxi, marchant en arrière, la place lui manquait pour faire demi-tour, s'éloignait avec d'effroyables grincements. Sans mot dire, son père, Sonia, Meraki et Piebald, derrière Teddy, marchèrent vers la petite porte. Teddy saisit une poignée de beaux cresseux fixés à l'extrémité d'un fil de fer rouillé, pendant le long du chambranle, et la secoua vigoureusement. Le tintement grêle d'une sonnette retentit. Une minute s'écoula. Une serrure grinça. La porte tourna sur ses gonds et laissa voir une femme petite, aussi grosse que haute, une véritable boule de graisse emmaillotée de haillons et surmontée d'une tête aux cheveux filasses, au visage rougi et couperosé. « Le révérend Smooth ?» demanda Teddy d'un ton d'autorité. « C'est pour un mariage. » La femme dévisagea son visiteur. « Un mariage » siffla-t-elle entre ses gencives édentées. Ah, un mariage. Well, c'est 3 livres sterling, pas moins. Entendu, fit Teddy. Entrez, grommela la femme d'un ton rogue. À sa suite, Teddy et ses compagnons franchirent la porte. Ils traversèrent une cour pavée parsemée de flaques de boue et pénétrèrent dans une salle rectangulaire meublée de quelques chaises et d'un pupitre supportant un évangile. Asseyez-vous, fit la grosse femme. Je vais appeler le révérend. Se disant, elle disparut derrière une porte placée au fond de la pièce. Asseyons-nous, fit Meraki d'un air dégagé. Il prit lui-même une chaise et s'y installa. Piébald et Teddy l'imitèrent. Assieds-toi, Sonia, fit Argoulian tourné vers sa fille aux côtés de qui s'était placé Teddy. Sonia obéit sans mot dire. Elle avait la mort sur le visage. Argoulian, qui ne pensait qu'à sa sécurité et aux perles, ne s'en apercevait pas, ne voulait pas s'en apercevoir. Pas de bêtises, n'est-ce pas, mademoiselle, articula Meraki, plus perspicace que le marchand de pierreries. Nous comptons que vous ferez honneur aux engagements pris par votre père. Sonia de la tête acquiesça. Mais ses compagnons, stupéfaits, la virent soudain se redresser d'un seul élan et l'entendirent pousser un cri perçant.